Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de la boîte ABO. Vous en avez pris l'habitude chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose de diversifié. Vous retrouverez notamment la musique de Slumdog Millionaire, Pulp Fiction, Dirty Dancing et bien d'autres surprises. Eh bien, parfait Francine, retrouvons-nous donc dans quelques instants pour une belle programmation. Alors, commençons toujours par notre traditionnelle première séquence, la séquence BO coup de cœur avec un film sorti en 2009, Slumdog Millionaire, réalisé par Danny Boyle avec pour co-réalisatrice l'Indienne Loveleen Tadam qui l'a aidé à tourner les scènes en hindi et pour le casting. Alors, Jamal Malik, interprété par Dev Patel, est dans le film un orphelin de 18 ans qui vit dans un bidonville et qui est sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des millions. Il n'est donc là pas question de victoire puisque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue. Le compositeur Alan Rakaraman, qui a été récompensé par 2 Oscars pour son travail sur Slumdog Millionaire, meilleure musique et meilleure chanson donc originale, n'aura travaillé qu'une vingtaine de jours en récupérant une chanson composée pour un autre film et finalement rejetée. Il gagne une première statuette avec J-Lo. Alors écoutons ce morceau qui vous rappellera sans conteste des scènes trépidantes de ce film extraordinaire. Je vous propose donc de retrouver tout de suite J-Lo. Après Slumdog Millionaire, maintenant coup de projecteur sur Pulp Fiction, un film de Quentin Tarantino sorti en 1994 avec John Travolta, Samuel Jackson et Uma Thurman. Ce film, interdit aux moins de 12 ans, retrace l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à travers trois histoires qui s'entremêlent. Uma Thurman avait au départ refusé le rôle de Mia Wallace au grand désespoir de Quentin Tarantino, qui a donc décidé de lui lire le scénario au téléphone pour la convaincre. Sa technique s'est finalement révélée fructueuse puisqu'elle a changé d'avis et accepté. Alors le film a reçu plusieurs récompenses avec notamment la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1994 et l'Oscar du meilleur scénario original en 1995. Alors aucune musique originale n'est composée pour le film, Quentin Tarantino préférant utiliser à la place un assortiment de morceaux de pop, de soul, de surf music et de rock. La reprise de Missy Elliott par Dick Dale est le morceau qu'on entend pendant le générique de début du film. Le réalisateur explique son choix d'introduire de la surf music dans la bande originale en disant qu'elle ressemble à du rock'n'roll de Western Spaghetti. Donc écoutons tout de suite ce morceau Missy Elliott. Voilà, c'était donc un extrait de la BO du film Pulp Fiction. Alors passons maintenant à notre séquence BO comédie musicale avec un film sorti en 1987, Dirty Dancing. Alors à sa sortie, ce film, eh bien rien ne présageait le succès qu'on lui connaît. Petit budget, acteur peu connu et un scénario des plus banals. Ce film, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, bébé, dans le film qui, lors de vacances en famille plutôt ennuyeuses, fait la connaissance d'un groupe d'animateurs qui mettent en place un spectacle de danse. Suite à la grossesse non désirée d'une des danseuses du spectacle, Bébé propose de la remplacer. Elle suit alors les cours de Johnny, le professeur de danse de l'établissement, et les deux personnages finiront par tomber amoureux. Pour la petite histoire, il faut savoir que le tournage a été difficile en raison de la profonde mésentente entre les deux acteurs, Jennifer Lopez. Alors la bande originale du film est sortie en août 1987, en même temps que le film, et ce fut un énorme succès commercial aux États-Unis avec 42 millions d'exemplaires vendus. La chanson la plus connu du film The Time of My Life, en plus d'un Oscar, recevra un Grammy Awards et un Golden Globe en 1988. Elle sera reprise plus ou moins maladroitement plus d'une vingtaine de fois et figurera au générique d'une cinquantaine d'autres films ou séries. Alors, sans plus tarder, réécoutons tout de suite ce morceau mythique du film The Time of My Life. this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause Alors, après Dirty Dancing, place à la BO comédie avec le Lauréat sorti en 1967 et réalisé par Mike Nichols, ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur en 1968. Le film raconte l'histoire d'un étudiant de 21 ans, Benjamin Braddock, récemment diplômé de l'université, interprété par Dustin Hoffman, mais qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Il est séduit par une femme plus âgée que lui, Mrs. Robinson, jouée par Anne Bancroft, et tombe peu à peu très amoureux de sa fille, Hélène, interprétée par Katharine Ross. En 1967, rien ne laisse présager le succès populaire du film en raison d'acteurs méconnus du grand public et un scénario scabreux. mais le lauréat est considéré comme le premier film du nouvel Hollywood. Il a rapporté pas loin de 104 millions de dollars aux États-Unis, rien qu'avec sa sortie en salle. C'est également le film qui a aussi lancé la carrière de Dustin Hoffman. Il faut dire aussi que la bande originale signée en partie par Simon & Garfunkel n'est pas étrangère à ce succès. La chanson Mrs. Robinson sera le fer de lance d'un disque qui se vendra comme des petits pains, au point de dépasser White Album des Beatles dans le hit parade. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une autre chanson de Simon & Garfunkel présente dans le film, The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echo. Bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Voilà, c'était un extrait donc de la bande originale, le lauréat interprété par Simon & Garfunkel. Alors passons maintenant à notre dernière séquence, la BO romance, avec un film sorti en 2016 réalisé par Robert Zemeckis, Les Alliés. Alors nous sommes à Casablanca en 1942 au service du contre-espionnage allié. L'agent Max Vatam, interprété par Brad Pitt, rencontre la résistante française Marianne Beauséjour, interprétée par Marion Cotillard, lors d'une mission à haut risque. C'est le début d'une relation passionné. Il se marie et entame une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a donc 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu'il aime. La musique donc de ce film est composée par Alan Silvestri, un collaborateur régulier de Robert Zemeckis, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur le film Retour vers le futur ou Seul au monde. Alors écoutons tout de suite un extrait de la BO de ce film avec le morceau It's a Girl. Alors dans ce film allié, on retrouve également de super morceaux écrits par des jazzmen tels que Louis Armstrong, Luis Prima, pardon, Benny Goodman et Lionel Hampton. Nous vous proposons donc tout de suite d'écouter un morceau de Luis Prima, Sing Sing Sing. Voilà, c'était donc Louis Prima avec la chanson Sing, Sing, Sing. C'était donc un extrait de la BO du film de Robert Zemeckis, Les Alliés. Voilà, donc ainsi s'achève ce numéro donc de la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez pris plaisir de découvrir ou de réécouter certaines musiques de films. N'hésitez pas, en tout cas, à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de vous faire part de vos BO coup de cœur. Alors donc, Francine, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Et bien, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.